Il était temps de remédier à l'anémie morale que nous révèle Madame de Maintenon. Ce fut pour combattre ce mal que Fénelon écrivit son admirable traité de l'éducation des filles et que Madame de Maintenon appliqua les théories du Saint-Prélat dans l'Institut de Saint-Louis, à Saint-Cyr, qu'elle avait fondé pour les jeunes filles de la noblesse pauvre. Le traité de l'éducation des filles parut en 1687, 2 ans après la fondation de Saint-Cyr. Mais Madame de Maintenon consulta Fénelon sur l'œuvre qu'elle créait. Elle collabora avec lui et avec l'évêque de Chartres pour le traité intitulé « L'esprit de l'Institut des filles de Saint-Louis ». Ces théories étaient elles-mêmes le résultat de l'expérience que Fénelon avait acquise en dirigeant le couvent des Nouvelles Catholiques. De la pédanterie de quelques femmes, disait l'abbé Fleury, on a conclu, comme d'une expérience assurée, que les femmes n'étaient point capables d'étudier, comme si leurs âmes étaient d'une autre espèce que celle des hommes, comme si elles n'avaient pas, aussi bien que nous, une raison à conduire, une volonté à régler, des passions à combattre, une santé à conserver, des biens à gouverner, ou bien, s'il leur était plus facile qu'à nous, de satisfaire à tous ses devoirs sans rien apprendre. S'instruire pour mieux remplir ses devoirs, pour former son jugement, pour occuper sa vie, c'est là, en effet, le modèle de l'éducation au XVIe siècle et au XVIIe siècle, modèle qui ne fut pas suivi par la généralité des familles, mais qui subsistait toujours. Mademoiselle de Scudéry avait ainsi défini le rôle de l'instruction chez la femme. Telle fut aussi la pensée qui inspira Fénelon et Madame de Maintenon. Mais tous deux comprirent que pour que leurs réformes fussent durables, il fallait préparer dans les jeunes filles des mères éducatrices qui les perpétueraient. Pour former ces mères, leur plan ne devait pas se borner à l'instruction des femmes, mais il devait embrasser la grande et forte éducation qui ne sépare pas l'enseignement intellectuel de l'enseignement moral. Ces mères éducatrices étaient rares. L'éducation, si négligée dans bien des familles mondaines, était en même temps comprimée. Il faut dire que ce système de compression dominait aussi, dès le XVIe siècle, dans les familles les plus austères. Le principe romain qui régnait alors dans le droit passait dans les mœurs, et ce n'était pas à tort que Fénelon souhaitait pour la jeune fille une plus douce atmosphère de tendresse. La mère de Madame de Maintenon n'avait embrassé que 2 fois sa fille. Par contre, ses mères, si avares de baisers, étaient prodigues de soufflets. Témoin au XVIe siècle, cette femme d'ailleurs si digne et si respectable, Madame du Laurence. Quant à nous autres filles qui étions jeunes, ma mère nous menait toujours devant elle, soit à l'église, soit ailleurs. Prenons garde à nos actions, que si nous regardions çà et là, comme font ordinairement les enfants, elle nous souffletait devant tous pour nous faire plus de honte. Fénelon et Madame de Maintenon étaient témoins de ce que, sous la surveillance d'une mère grondeuse, la vie domestique pouvait avoir d'ennui pour la jeune personne. « Quelle est, dit Madame de Maintenon, la fille qui ne travaille pas depuis le matin jusqu'au soir dans la chambre de sa mère et n'en fait pas son plaisir ? Elle n'y trouve le plus souvent que de la mauvaise humeur à essuyer, beaucoup de désagréments, quelquefois même de mauvais traitements. Et personne ne s'avise de la plaindre et de lui procurer des délassements. La plupart travaillent assidûment toute la semaine et ne se promènent que les fêtes et dimanches. Il était des mères qui, très mondaines pour leur compte et très sévères pour celui de leur fille, ne les emmenaient à la cour que dans une attitude d'esclavage. « Madame la princesse d'Elbeuf, dit Madame de Maintenon, joue toute la journée avec Madame la duchesse de Bourgogne. Sa fille est assise à son côté sans dire un seul mot. Les jours ouvriers, elle travaille, et les dimanches et fêtes, elle est les bras croisés à regarder jouer et à s'intéresser au jeu de sa mère. Et quelquefois, lasse et ennuyée de regarder, elle ferme les yeux. Madame Colbert, que la reine aimait beaucoup, et à qui elle faisait l'honneur de jouer avec elle, avait sa fille debout près d'elle, qui passait sa vie sans parler. Ses mères n'eussent pas permis à leur fille de prendre la parole sans avoir été interrogées. Les mères laissaient-elles leur fille chez elles? La vie de celle-ci n'était pas mieux dirigée. Une femme de chambre de la mère devenait la gouvernante de la fille. Ce sont ordinairement des paysannes, ou tout au plus de petites bourgeoises, qui ne savent que faire tenir droite, bien tirer la busquière, et montrer à bien faire la révérence. La plus grande faute, selon elle, c'est de chiffonner son tablier, d'y mettre de l'encre. C'est un crime pour lequel on a bien le fouet, parce que la gouvernante a la peine de les blanchir et de les repasser. Mais mentez tant qu'il vous plaira, il n'en sera ni plus ni moins, parce qu'il n'y a rien là à repasser ni à recommoder. Cette gouvernante a grand soin de vous parer pour aller en compagnie, où il faut que vous soyez comme une petite poupée. La plus habile est celle qui sait quatre petits vers bien sots, quelques quatrains de Pibrac, qu'elle fait dire en toute occasion, et qu'on récite comme un petit perroquet. Tout le monde dit « la jolie enfant, la jolie mignonne ». La gouvernante est transportée de joie et s'en tient là. Je vous défie d'en trouver une qui parle de raison. Dans les familles mondaines, quelle pernicieuse atmosphère entoure la jeune fille. La grande âme sacerdotale de Fénelon est saisie de tristesse devant le spectacle que présentent les désordres et les discordes de la maison, la vie dissipée de la mère de famille. Quelle affreuse école pour des enfants, s'écrit-il. Souvent, une mère qui passe sa vie au jeu, à la comédie, et dans les conversations indécentes, se plaint d'un ton grave qu'elle ne peut pas trouver une gouvernante capable d'élever ses filles. Mais qu'est-ce que peut la meilleure éducation sur des filles à la vue d'une telle mère? Souvent encore, on voit des parents qui, comme dit saint Augustin, mènent eux-mêmes leurs enfants au spectacle public et à d'autres divertissements qui ne peuvent manquer de les dégoûter de la vie sérieuse et occupée dans laquelle ses parents même les veulent engager. Ainsi, il mêle le poison avec l'aliment salutaire. Ils ne parlent que de sagesse, mais ils accoutument l'imagination volage des enfants aux violents ébranlements des représentations passionnées et de la musique, après quoi ils ne peuvent plus s'appliquer. Ils leur donnent le goût des passions, ils leur font trouver fades les plaisirs innocents. Après cela, ils veulent encore que l'éducation réussisse, et ils la regardent comme triste et austère, si elle ne souffre ce mélange du bien et du mal. N'est-ce pas vouloir se faire honneur du désir d'une bonne éducation de ses enfants sans en vouloir prendre la peine, ni s'assujettir aux règles les plus nécessaires? Devant ces tristes exemples, Fénelon et sa noble alliée comprennent combien il est urgent d'élever la femme qui aura elle-même des enfants à élever un jour. En considérant cette mission aussi bien que l'influence qu'exercent les femmes, Fénelon juge même que la mauvaise éducation des filles est plus dangereuse encore que celle des hommes. Et Madame de Maintenon, alors qu'elle engage les élèves de Saint-Cyr à ne donner à leurs compagnes que de bons exemples, les prévient que par celle d'entre ces jeunes filles qui sont destinées à devenir mères, la transmission du bien et du mal s'opérera pendant les siècles et des siècles, et que des fautes commises 1000 ans plus tard feront peser une effroyable responsabilité sur la personne qui aura laissé tomber une mauvaise semence dans l'âme d'une mère future. Madame de Maintenon écrit aussi à une dame de Saint-Louis. « Que vous êtes heureuse, ma chère fille, de ne pas dire un mot qui ne soit une bonne œuvre, qui ira plus loin que vous. » Il y a donc dans l'œuvre de Saint-Louis, si elle est bien faite et avec l'esprit d'une vraie foi et d'un véritable amour de Dieu, de quoi renouveler dans tout le royaume la perfection du christianisme, disait l'esprit de l'Institut. Et elle se montrait ainsi la digne élève de ces Ursulines qui avait formulé ce principe. Il faut renouveler par la petite jeunesse ce monde corrompu. Les jeunes réformeront leurs familles, les familles réformeront leurs provinces, leurs provinces réformeront le monde. Les Ursulines s'appliquaient elles aussi à former des institutrices en même temps que des élèves, mais nous reparlerons des services qu'elles rendirent. Fénelon et la fondatrice de Saint-Cyr jugent que tout dans l'instruction de la mère future doit concourir à un double but, éclairer la piété, fortifier la raison. Ils veulent former de solides chrétiennes, des chrétiennes instruites de leur religion, des chrétiennes qui, suivant le conseil de saint François de Sales, sauront sacrifier les pratiques surérogatoires de la piété à leurs devoirs essentiels d'épouse et de mère. Ils veulent former aussi des femmes raisonnables qui, habituées à s'appliquer le fruit de toutes les instructions qu'elles ont reçues, deviendront de sûres conseillères. Mettront les biens de l'âme au-dessus des vanités du luxe et du monde. Des femmes laborieuses, charitables, de bonne humeur, modestes, discrètes, silencieuses, bonnes, justes, généreuses, aimant d'honneur la fidélité, la probité, faisant plaisir dans ce qu'elles peuvent, ne fâchant personne, portant partout la paix, ne désunissant jamais, ne redisant que ce qui peut plaire et adoucir. C'est l'idéal de la femme forte, cet idéal que Fénelon présente à la dernière page de son livre, et qui en est la vraie conclusion. Et pour que soit pleinement réalisé cet idéal de la femme forte qui rira encore à son dernier jour, Fénelon et Madame de Maintenon demandent qu'on laisse s'épanouir dans la jeune fille cette aimable gaieté qui annonce la paix de la conscience et qu'étouffait souvent l'éducation domestique du XVIIe siècle. Dans ce système d'éducation, l'instruction proprement dite devenait un puissant moyen de préparer la femme forte. Ici encore, Madame de Maintenon semble s'être inspirée de Fénelon, en appliquant à Saint-Cyr la méthode pédagogique de celui-ci. Cette méthode qui, admirablement appropriée aux besoins de l'enfant, à la curiosité de l'adolescente, témoignait que l'ancien supérieur des nouvelles catholiques avait vu de près se développer l'intelligence féminine et avait ainsi étudié les enseignements que comporte chaque âge. Cette méthode n'a point vieilli, non plus que les résultats qu'elle poursuit. De même que l'éducation morale, l'éducation intellectuelle doit rendre à ce double but que nous avons signalé. Former le jugement, éclairer la piété et rendre ainsi la femme plus capable de remplir ses devoirs. Au lieu de cette instruction qui ne fait qu'encombrer la mémoire, Fénelon et Madame de Maintenon veulent une instruction vraiment pratique, qui soit une force pour le caractère en même temps qu'une lumière pour l'esprit. Pour la fondatrice de Saint-Cyr, il n'était pas jusqu'aux leçons d'écriture qui ne servissent à l'éducation morale, et les exemples que Madame de Maintenon traçait elle-même sur les cahiers des élèves étaient des préceptes remplis de cette haute raison, de cette douce sagesse, de cette délicatesse de sentiment qui distinguait cette femme célèbre. Elle s'appliquait à ce que les jeunes filles s'assimilassent le suc de toutes les leçons qu'elles entendaient, et elle les engageait à écrire leurs réflexions dans un livre spécial. À une époque antérieure, Jacqueline Pascal, en religion, sœur Sainte-Euphémie, veillait aussi à ce que ses élèves s'appliquassent les fortes lectures religieuses qu'elle leur faisait, mais qui étaient malheureusement imbues des doctrines jansénistes. Certes, ce n'était qu'à un petit nombre de connaissances que s'appliquait cette méthode, mais selon l'esprit du XVIIe siècle, mieux valait peu savoir et bien savoir que de posséder superficiellement un plus grand nombre de connaissances. Aussi, quelque restreint que fût le programme de Fénelon, nous dirons, avec Mgr Dupanloup, que exquis bon sens, qui est l'âme du XVIIe siècle, pouvait souvent remplacer l'enseignement des livres, et qu'une instruction très élémentaire pouvait suffire alors qu'elle s'appuyait sur la base solide de la raison. Ce bon sens était un guide sûr, à l'aide duquel les femmes devaient juger sainement aussi bien des œuvres de l'esprit que des choses de la vie. Avec une forte instruction religieuse, très justement éloignée toutefois des controverses théologiques, Fénelon ne prescrit donc à la jeune fille que bien peu de connaissances, lire distinctement et naturellement, écrire avec correction, parler avec pureté, savoir les quatre règles de l'arithmétique pour faire les comptes de la maison, être initiée aux choses de la vie rurale, aux droits et aux devoirs seigneuriaux, apprendre les éléments du droit, autant que ceux-ci se rapportent à la condition de la femme, mais éviter cependant de faire servir ses connaissances à une humeur possessive. Après ces études qui pour lui sont fondamentales et dont la dernière manque à nos programmes actuels, Fénelon permet qu'on laisse lire aux jeunes filles des livres profanes dont la solidité les dégoûtera de la creuse lecture des romans. Donnez-leur donc des histoires grecques et romaines, elles y verront des prodiges de courage et de désintéressement. Ne leur laissez pas ignorer l'histoire de France, qui a aussi ses beautés. Mêlez-y celle des pays voisins et les relations des pays éloignés, judicieusement écrites. Tout cela sert à agrandir l'esprit et à élever l'âme à de grands sentiments, pourvu qu'on évite la vanité et l'affectation. C'est avec les mêmes précautions que le vénérable auteur souhaite que le latin, la langue des offices de l'Église, remplace dans l'instruction des jeunes filles l'italien et l'espagnol, qui y figuraient alors, ces deux idiomes dont l'étude entraîne la lecture d'ouvrages passionnés, et qui, ne fût-ce qu'au point de vue littéraire, ne saurait égaler la vigoureuse beauté du latin. Je leur permettrai aussi, mais avec un grand choix, la lecture des ouvrages d'éloquence et de poésie, si je croyais qu'elles en eussent le goût, et que leur jugement fût assez solide pour se borner au véritable usage de ces choses. Mais je craindrais d'ébranler trop les imaginations vives, et je voudrais en tout cela une exacte sobriété, tout ce qui peut faire sentir l'amour. Plus il est adouci et enveloppé, plus il me paraît dangereux. la musique et la peinture ont besoin des mêmes précautions. Fénelon souhaitait que, dans l'éducation de la jeune fille, l'inspiration chrétienne animât la poésie, la musique, et particulièrement l'alliance de ces deux arts, le chant. Mais cette bienfaisante inspiration lui semblait bien difficile à rencontrer à une époque où la poésie et la musique s'unissaient pour célébrer l'amour. Nous verrons comment Racine allait réaliser le vœu de Fénelon. Avec ce sentiment du beau qui faisait désirer à Fénelon que pour leur parure, les jeunes filles prissent pour modèle la noble simplicité des statues grecques, il veut qu'elles étudient le dessin, la peinture, ne fût-ce que pour exécuter leurs travaux manuels, avec un art plus délicat et pour faire régner dans certains arts industriels le goût qui y manque trop souvent. Tout est solide dans cette instruction. Nous n'y trouvons qu'un seul défaut, une trop grande méfiance à l'endroit des œuvres littéraires. En éliminant tout ce qui, dans ces œuvres, enflamme les passions, il reste encore assez de pages où l'on peut montrer à la jeune fille la sublime alliance du beau et du bien. L'émotion même que font naître les grands sentiments est sans péril, lorsqu'elle est réglée par cette haute raison que cultivaient dans leurs disciples les deux nobles éducateurs du XVIIe siècle. Ils leur avaient appris à juger trop sainement des choses de l'esprit pour que des sentiments exaltés leur donnassent le dégoût de la vie réelle. Bien que Madame de Maintenon éleva justement, au-dessus de la forme littéraire, l'utilité du fond, elle ne négligeait pas chez les élèves de Saint-Cyr l'élégante pureté de l'expression. Elle leur enseignait elle-même ce style épistolaire où elle excellait, ce style naturel qui, dans sa brièveté, se borne à expliquer clairement et simplement ce que l'on pense. Elle composa pour ces jeunes personnes des proverbes, des conversations, qui, tout en exerçant leur jugement, les initiaient aux grâces de la causerie française. Elle fit plus. Après avoir entendu l'une des détestables œuvres dramatiques que Madame de Brinon, première supérieure de Saint-Cyr, composait pour ses élèves, elle la pria de n'en plus faire jouer de semblables, et de prendre plutôt quelques belles pièces de Corneille ou de Racine, choisissant seulement celles où il y avait le moins d'amour. Cinna fut représentée par les demoiselles de Saint-Cyr. Je m'étonne que l'on n'ait point préféré Polyeucte à Cinna. Ne semble-t-il pas que le choix de cette dernière pièce ait été une flatterie ingénieuse à l'endroit du nouvel Auguste? Andromaque suivit Cinna sur le théâtre de Saint-Cyr. Après la représentation, Madame de Maintenon écrivit à Racine. « Nos petites filles viennent de jouer votre Andromaque, et l'ont si bien joué qu'elles ne la joueront de leur vie, ni aucune autre de vos pièces. » Elle lui demanda alors de composer quelque espèce de poème moral ou historique dont l'amour fut entièrement banni, et dans lequel il ne crut pas que sa réputation fût intéressée, parce que la pièce resterait ensevelie à Saint-Cyr, ajoutant qu'il lui importait peu que cet ouvrage fût contre les règles, pourvu qu'il contribuât aux vues qu'elle avait de divertir les demoiselles de Saint-Cyr en les instruisant. De ce désir de Madame de Maintenon naquirent successivement Esther, Athalie, ces œuvres dans lesquelles on ne saurait dire que la réputation de Racine ne fut pas intéressée, et qui certes ne devait pas demeurer ensevelie à Saint-Cyr. Ainsi, c'est pour l'éducation des femmes qu'ont été écrites ces pages où l'harmonieux génie de Racine s'élève à une incomparable grandeur, en traduisant la pensée biblique. Ces pages immortelles, qui comptent parmi les gloires les plus pures de la France, et qui témoigneraient au besoin que la foi a toujours été la meilleure inspiration de la poésie. Les tragédies jouées à Saint-Cyr durent charmer Fénelon, qui avait désiré que l'on exerçât les enfants à représenter entre eux les scènes les plus touchantes de la Bible. Et la musique, se joignant à la poésie dans les chœurs d'Esther et d'Athalie, c'était là encore répondre aux vœux du maître, qui avait si vivement souhaité que la musique et la poésie, ces arts que l'Esprit de Dieu même a consacrés, fussent rappelés à une mission éducatrice, qui était leur mission primitive, exciter dans l'âme des sentiments vifs et sublimes pour la vertu. On sait quel éclat eurent les représentations d'Esther. Louis XIV, président à l'admission des invités, en dressant lui-même la liste, et le jour des représentations, le grand souverain se tenant près de la porte, levant sa canne pour former une barrière, et ne laissant entrer que les personnes dont les noms figuraient sur la liste, qu'il tenait dans sa main royale. On sait aussi l'enthousiasme avec lequel Esther fut accueillie, et le charme touchant qu'ajoutait à cette œuvre déjà si émouvante les jeunes filles qui l'interprétaient, ces enfants de la noblesse pauvre qui vivaient loin de leur famille, ces jeunes et tendres fleurs transplantées comme les compagnes d'Esther. Les représentations d'Esther eurent lieu en 1689. La même année, Racine composa pour les demoiselles de Saint-Cyr quatre cantiques inspirés de l'écriture sainte. Plusieurs fois, le roi les fit chanter par ces jeunes personnes. Racine et Boileau avaient revu au point de vue du style les constitutions de Saint-Cyr. Le grand Condé pleura à ce spectacle, comme il avait pleuré dans son héroïque jeunesse en entendant Auguste pardonner Asina. Racine avait dirigé lui-même les répétitions de sa pièce. Quel maître que celui-là! Combien ce grand chrétien devait faire pénétrer dans les jeunes âmes les sublimes enseignements de son œuvre! Le courage religieux qui fait braver la mort à une femme jeune et timide, la confiance dans cette justice souveraine qui, à son heure, abaisse l'orgueilleux et fait triompher l'innocent persécuté. Quel maître aussi dans l'art de bien dire que le merveilleux poète qui initiait ses élèves aux délicatesses de son style enchanteur. Madame de Maintenon avait réellement atteint le but qu'elle poursuivait par ses représentations, remplir de belles pensées l'esprit des jeunes filles, les habituer à un pur langage et aussi à ce maintien noble et gracieux qui est essentiel à la dignité de la femme, et que Madame de Maintenon enseignait aux demoiselles de Saint-Cyr avec toutes les bienséances du monde. Mais l'éclat de ces représentations eut des suites fâcheuses qui compromirent jusqu'à la cause de l'instruction des femmes. Lorsque, l'hiver suivant, Racine présenta Athalie à Madame de Maintenon des avis donnés tantôt par des personnes bien intentionnées, tantôt par des rivaux du poète, firent comprendre à la fondatrice de Saint-Cyr le danger qu'il y avait à produire de jeunes filles sur un théâtre et devant la cour. Athalie ne fut donc représentée que devant le roi et Madame de Maintenon, dans une chambre sans décor et par les jeunes personnes revêtues de leurs uniformes de pension. Si la réforme s'était arrêtée là, nous n'y aurions vu aucun inconvénient. Mais Madame de Maintenon crut s'apercevoir que depuis les représentations d'Esther, les demoiselles de Saint-Cyr n'étaient plus les mêmes. L'orgueil et les folles vanités du monde avaient pénétré avec les applaudissements de la cour dans ce pieux asile. Il n'était pas jusqu'à cette faculté de raisonner que Madame de Maintenon avait développée dans ses élèves, qui ne contribua à en faire des pédantes. Elle n'avait aussi que trop imité ce ton de raillerie qui, chez Madame de Maintenon, demeurait dans les limites d'un aimable enjouement, mais qui, chez ses jeunes filles hautaines, devenait aisément de l'impertinence. Madame de Maintenon écrit à Madame de Fontaine, maîtresse générale des classes, « La peine que j'ai sur les filles de Saint-Cyr ne peut se réparer que par le temps et par un changement entier de l'éducation que nous leur avons donnée jusqu'à cette heure. Il est bien juste que j'en souffre, puisque j'y ai contribué plus que personne, et je serais bien heureuse si Dieu ne m'en punit pas plus sévèrement. Mon orgueil s'est répandu par toute la maison, et le fond en est si grand qu'il l'emporte même par-dessus mes bonnes intentions. Dieu sait que j'ai voulu établir la vertu à Saint-Cyr, mais j'ai bâti sur le sable. N'ayant point ce qui seul peut faire un fondement solide, j'ai voulu que les filles eussent de l'esprit, qu'on élevât leur cœur, qu'on formât leur raison. J'ai réussi à ce dessein. Elles ont de l'esprit et s'en servent contre nous. Elles ont le cœur élevé et sont plus fières et plus hautaines qu'il ne conviendrait de l'être aux plus grandes princesses. À parler même selon le monde, nous avons formé leur raison et fait des discoureuses, présomptueuses, curieuses, hardies. C'est ainsi que l'on réussit, quand le désir d'exceller nous fait agir. Une éducation simple et chrétienne aurait fait de bonnes filles, dont nous aurions fait de bonnes femmes et de bonnes religieuses, et nous avons fait de beaux esprits que nous-mêmes, qui les avons formés, ne pouvons souffrir. Voilà notre mal et auquel j'ai plus de part que personne. » Mais pour remédier au mal, Madame de Maintenon perd cette mesure qui est le trait distinctif de son caractère. S'imaginant que c'est l'instruction qui enfle le cœur de ses élèves, elle supprime dans le programme d'études l'histoire romaine, l'histoire universelle. L'histoire de France même trouve à peine grâce à ses yeux, et encore à la condition de n'être qu'une suite chronologique de souverains. Les demoiselles de Saint-Cyr ne seront plus guère occupées que par les travaux à l'aiguille et par des instructions sur les devoirs de l'État, auxquels leurs conditions les destinent. Peu de lecture, si ce n'est dans quelques ouvrages de piété. Mais ici encore, Madame de Maintenon veille à ce que ces lectures puissent former le jugement et régler les mœurs, en même temps qu'elles donneront à la piété un solide aliment. Enfin, Madame de Maintenon laisse échapper cette parole que rediront si souvent les adversaires de l'instruction des filles. Les femmes ne savent jamais rien qu'à demi, et le peu qu'elles savent les rend communément fières, dédaigneuses, causeuses et dégoûtées des choses solides. Madame de Maintenon aurait pu se dire que dans un certain ordre de connaissances, les femmes peuvent acquérir plus que cette demi-instruction qui en fait des pédantes. Elle aurait pu se dire aussi que ce qui avait énorgueilli les demoiselles de Saint-Cyr, ce n'était pas leur instruction, c'était la parade qu'on leur avait fait faire de leur talent. Du reste, cette réforme était trop exagérée pour qu'elle fût longtemps appliquée. Selon Madame Dupérou, dame de Saint-Louis, Madame de Maintenon n'avait voulu que déraciner le fond d'orgueil de Saint-Cyr, pour établir ensuite un juste milieu dans les études. La correspondance et les instructions de la fondatrice semblent prouver qu'il en fut ainsi. Les tragédies, les proverbes, les conversations ne figurent plus au premier rang, mais sont réservées comme récompense du travail après les devoirs de lecture et d'écriture. L'histoire n'est plus négligée, à en juger par une leçon d'histoire contemporaine, que Madame de Maintenon, octogénaire, envoie à la classe bleue. À Paris, dans la maison de l'enfant Jésus, 30 jeunes filles nobles étaient élevées, après le modèle de l'Institut de Saint-Louis. Par une touchante association, c'est en cette même maison que 800 femmes venaient chercher des secours et du travail. Cette maison, située dans la rue de Sèvres, est aujourd'hui occupée par l'hôpital de l'enfant Jésus. Sous sa nouvelle destination de charité, elle a gardé son ancien nom. Madame de Vieilleville, abbesse de Gomère-Fontaine, et Madame de la Mairie, prieure de Bizy, voulurent aussi employer cette méthode dans leur couvent. Mais ceci admettant des filles de bourgeois et de vignerons, la fondatrice de Saint-Cyr rappela à Madame de la Vieilleville et à Madame de la Mairie que si les mêmes principes moraux et religieux doivent être donnés aux jeunes filles de conditions inférieures, il n'en est pas ainsi de l'éducation sociale et intellectuelle. Elle les engage donc à proscrire de l'éducation donnée à ses enfants tout ce qui pourrait exalter leur imagination et leur faire rêver une autre vie que la modeste existence à laquelle elles sont appelées. L'instruction professionnelle, voilà ce qu'elle recommande pour ces jeunes personnes, avec l'enseignement de la lecture, de l'écriture, du calcul. Madame de Maintenon se rencontrait encore avec Fénelon dans ce principe, qu'il faut élever les filles pour la condition où elles doivent être placées, pour le lieu même qu'elles doivent habiter. C'est la véritable éducation professionnelle, sage, prudente, et qui, au lieu de faire mépriser aux jeunes filles l'état où elles sont nées, les rend dignes d'y faire l'honneur un jour. L'instruction professionnelle existait donc au XVIIe siècle, et même à une époque antérieure. Henri II avait créé à Paris, à l'hôpital de la Trinité, rue Saint-Denis, une fabrique de tapisseries de haute et basse lisse, fabrique qui avait pour jeunes ouvriers les orphelins recueillis dans cette maison. Il y avait parmi eux 30 jeunes filles, qui étaient ainsi initiées et exercées à notre vieillard national. Au XVIIe siècle, Madame de Miramion fonde la maison de la Sainte Enfance où des religieuses forment de petites orphelines au travail, qui fait vivre, à la fois qui soutient l'ouvrière. Elle fonde aussi un atelier où les enfants apprennent, avec les ouvrages manuels, la lecture, l'écriture, le catéchisme. Du reste, les travaux de couture étaient enseignés aux jeunes filles dans ces petites écoles, dont Madame de Miramion grossit considérablement le nombre, et auxquelles elle prépara, elle aussi, de dignes maîtresses dans ses saintes filles, que le peuple reconnaissant nomma les Miramionnes. Madame de Miramion fonda plus de 100 écoles. L'instruction primaire poursuivait en effet son cours, et elle continuait de faire une large part à l'instruction gratuite. Au XVIe siècle, elle avait pris un développement extraordinaire, que les guerres de religion vinrent ralentir, mais qui continua pendant les deux siècles suivants. L'Église donnait à ce mouvement une énergique impulsion. Les archevêques de Bordeaux rappellent dans tous leurs statuts la nécessité de l'instruction populaire, et l'un d'eux, Monseigneur de Rohan, demande à ses curés de se procurer tous des maîtres et des maîtresses d'école. En 1682, l'évêque de Coutances exhorte les pasteurs des paroisses à faire instruire les filles par quelque pieuse femme qui se dévouera à un si saint emploi. Pour lui, la mission de l'institutrice est, on le voit, un sacerdoce. En 1696, les curés de Chartres supplient leur évêque de leur donner des maîtres et des maîtresses d'école pour moraliser le peuple par l'instruction gratuite. L'ignorance leur semble la source principale du vice. Les inscriptions du XVIIe et du XVIIIe siècle nous montrent d'humbles curés de campagne, fondant ou soutenant dans leur paroisse des écoles de filles aussi bien que des écoles de garçons. Ces inscriptions attestent aussi que de généreuses chrétiennes prirent part aux fondations scolaires, justement regardées comme des œuvres pies. Dans le futur traité de l'éducation des filles, Fénelon demande que l'on apprenne aux futures châtelaines le moyen d'établir de petites écoles dans leur village. Il serait trop long de citer tous les efforts de l'Église pour répandre dans les plus humbles rangs de la société la lumière intellectuelle dont elle est le foyer. Mais comment ne pas nommer quelques-unes des communautés religieuses qui se dévouèrent à l'instruction du peuple? Dès la fin du XVIe siècle, une femme admirable, Mademoiselle de Sainte-Beuve, fonde la communauté des Ursulines de France, qui donne l'instruction gratuite. Elles enseignent à leurs élèves la lecture, l'écriture, l'orthographe, le calcul. De curieux mémoires récemment publiés ajoutent une preuve de plus à la solide instruction et au dévouement des Ursulines. Nous trouvons dans ces pages le nom d'une fille des Godefroy, Louise Catherine, en religion Sœur Catherine de l'Assomption, qui à l'étude des saintes lettres joignait celle du latin, de la poésie, de l'arithmétique, et qui consacrait surtout son zèle aux élèves les moins avancés, les savants Godefroy. Mémoire d'une famille pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, par M. le marquis de Godefroy Ménilglaise. En 1668, elles avaient 310 de ces pépinières, qui, d'après la pensée fondamentale de l'Institut, devaient préparer par l'enfant, par la jeune fille, la régénération de la famille et de la société. En 1789, parmi les autres communautés qui donnaient aux enfants l'instruction primaire, les filles de la charité avaient 500 maisons, les sœurs d'Erdemont 106 avec 11 660 élèves, les sœurs d'Evron recevaient dans leurs 89 établissements 3000 élèves. La communauté de Sainte-Marguerite ou de Notre-Dame-des-Vertus et les Dames de la Trinité instruisaient les filles du faubourg Saint-Antoine. Il y a ordinairement dans chaque paroisse deux écoles de charité, une pour les garçons et l'autre pour les filles, dit en 1769 un traité du gouvernement temporel et spirituel des paroisses. En chassant les religieux instituteurs de la jeunesse, en spoliant les petites écoles, la Révolution a allé plonger le peuple dans les ténèbres de l'ignorance, et la Révolution accuse de ces ténèbres ceux qui avaient allumé et fait rayonner depuis tant de siècles le flambeau qu'elle-même a éteint.